Lorsqu'un homme commet une mécréance extérieure, par la parole ou l'acte, ne devient pas mécréant tant qu'il n'en est pas satisfait avec son cœur. Grand savant et shir de la région de Najd, Hammad ibn Atiq, rahmahullah, répond à ceux qui affirment que lorsqu'un homme commet une mécréance extérieure par la parole ou l'acte, ne devient pas mécréant tant qu'il n'en est pas satisfait avec son cœur. Dit, le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus de la umma se sont mis d'accord dans le fait que quiconque dit de la mécréance ou la fait, commet avec l'acte, devient mécréant, et que pour cela n'est pas conditionné l'ouverture de la poitrine, l'âme-cœur, à la mécréance. De cela, cette règle est exceptée seulement celui qui a été contraint. Et en ce qui concerne celui qui a ouvert sa poitrine, âme, cœur, à la mécréance, c'est-à-dire les a ouverts et élargis et était satisfait avec elle, la mécréance, celui-là est un mécréant, ennemi d'Allah et ennemi de son prophète. Même s'il ne l'a pas prononcé avec la langue, la mécréance, ou commis avec les membres de son corps, la mécréance. Ceci est ce qui est connu avec les preuves du livre et de la sunna et du consensus de la umma. La source, Ad-Difa', Ahl Sunna wal Itba', page 22-23, édition Dar al-Qur'an al-Karim. Abdullah Abu Batin, rahmahullah, a dit, quant à celui qui met le chemin des mécréants comme étant plus droit que celui des croyants, s'il vise ce que font les gens de notre époque et qu'il dit, ce que font les idolâtres d'aujourd'hui auprès des tombes ou autres monuments, est mieux que celui qui n'invoque qu'Allah et n'invoque personne d'autre que lui. Celui-là est un mécréant sans aucun doute. De même, nous disons que ce que font les idolâtres de notre époque auprès des tombeaux, comme invoquer les morts, leur demander l'exaucement des prières, la consolation des peines, leur offre des sacrifices et des vœux, nous disons que ceci est incontestablement la plus grande idolâtrie. Quiconque la commet est un mécréant. Et ceux qui pratiquent ces cultes auprès des tombes sont des mécréants, sans l'ombre d'un doute. Quant à ce que disent les ignorants, vous traitez les musulmans de mécréants. Ceux-là ne connaissent pas l'islam, ni le tawhid. Et l'islam de celui qui dit ça est invalide, car il ne condamne pas ces choses que font les idolâtres et n'y voit rien. Ce n'est pas un musulman. Majmou' al-Rasa'il wal-Masa'il al-Najdiya, numéro 1, 654-655. Si un hypocrite essaye d'argumenter comme quoi le verset concerne que les mécréants, Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahmahullah a dit, si un hypocrite essaye d'argumenter comme quoi le verset concerne que les mécréants, dites-lui, est-ce qu'il existe un seul savant musulman qui a dit que ces versets ne concernent pas ceux parmi les musulmans qui commettent les mêmes actes? Qui a dit ça avant toi? Dites-lui aussi, ceci est le rejet du consensus de la Ummah. Car le consensus dit que ces versets concernent aussi bien les mécréants que ceux qui se disent musulmans. Ad-Durar Saniya 10, 58-59. Et parmi ces polythéistes, certains se sont mis à excommunier les monothéistes. Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah a dit, et parmi ces polythéistes, certains se sont mis à excommunier les monothéistes pour rien d'autre si ce n'est leur culte exclusif, leur désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et leur critique des polythéistes, ceux qui ont donné un associé à Allah. Et c'est pourquoi ils ont dit, vous êtes des khawarij, vous êtes des innovateurs. Et aussi, cet homme a suivi le chemin de ceux qui excommunient ceux qui vouent un culte exclusif à Allah. Si nous disons, nul ne doit être adoré en dehors d'Allah, nul doit être invoqué en dehors de lui, nul ne doit être espéré en dehors d'Allah, nul ne mérite la confiance en dehors de lui, et d'autres parmi les formes d'adoration qui ne doivent être vouées qu'à Allah, et que celui qui s'oriente vers autre qu'Allah est un mécréant polythéiste. Ils diront, vous avez innové et excommuné la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes des khawarij, vous êtes des innovateurs. Source, Ad-Durar Saniya 11, 448-449. Réponse sur l'insulte, vous êtes des khawarij. Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah a dit, et parmi ces polythéistes, certains se sont mis à excommunier les monothéistes pour rien d'autre si ce n'est leur culte exclusif, leur désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et leur critique des polythéistes, ceux qui ont donné un associé à Allah. Et c'est pourquoi ils ont dit, vous êtes des khawarij, vous êtes des innovateurs. Et aussi cet homme a suivi le chemin de ceux qui excommunient ceux qui vouent un culte exclusif à Allah. Si nous disons, nul ne doit être adoré en dehors d'Allah, nul doit être invoqué en dehors de lui, nul doit être espéré en dehors d'Allah, nul ne mérite la confiance en dehors de lui, et d'autres parmi les formes d'adoration qui ne doivent être vouées qu'à Allah, et que celui qui s'oriente vers autre qu'Allah est un mécréant polythéiste. Ils diront, vous avez innové et excommunié la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes des khawarij, vous êtes des innovateurs. La source, Ad-Durar Saniya, numéro 11, 448-449. Réponse à ceux qui disent, ils font du tekfir généralisé. Mohamed ibn Abdel Wahhab rahmahullah a dit, et si quelqu'un dit, ils font du tekfir généralisé, nous répondons, gloire à toi Allah, c'est une immense calomnie. Celui que nous jugeons mécréant, c'est celui qui atteste que le tawhid est la religion d'Allah et de son messager, et que l'invocation d'un autre qu'Allah est fausse, puis après, il traite de mécréants les monothéistes, les appelant khawarij, et se met dans le camp des adorateurs des mausolées contre les monothéistes. Mais nous demandons à Allah, le noble seigneur de l'immense trône, de nous faire voir la vérité sous son véritable aspect et de la suivre, et de nous faire voir le mensonge sous sa vraie forme, et de nous permettre de nous en écarter. Ad-Dorasaniya 1.63. Réponse sur rendre le takfir. Mohamed ibn Abdel Wahhab rahmahullah dit dans une de ses lettres, lorsque ces diables orgueilleux, en apparence humaine, voient quelqu'un enseigner aux gens ce que leur a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la shahada, la ilaha illallah, ils commencent à se plaindre, mettre des ambiguïtés aux gens et disent, comment pouvez-vous rendre mécréants les musulmans? Comment pouvez-vous parler ainsi sur les morts? Ceci avec le but que la signification de la ilaha illallah ne soit pas expliquée aux gens. Source Ad-Dorasaniya numéro 10, 50-52.